せなきゃだだだだだせなきゃだだげだだげだ Le monde est fou La la i tout l'air est malsainQu'est-ce qu'on dérouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ça c'est pas cool, cool, cool, cool, cool, c'est dingue et pied, olé, olé, c'est la cata, bla, bla, bla, bla, c'est la cata, tra, la, la, la, c'est la cata.Plus on fait nul pan pan cul cul plus on aime bien caca bouda on en demande coco boys band c'est la cata bla bla bla bla c'est la cata tra la la la c'est la cataFaut pas être fier pendant derrière Faut tenir le coucou, coucou, coucou Même si tout craque et patatrac C'est la cata, bla bla bla